cette conférence ayant pour titre l'immortalisation de la conscience, de sa conscience. Pour commencer, j'ai enfin trouvé où Daniel Kim puisait toutes ces informations. J'ai ouvert un livre qui est très intéressant. OK. Entendez-vous maintenant? Oui. OK. Donc, je disais que j'ai enfin trouvé la source d'information de Daniel Kim. J'ai trouvé un livre qui donne des définitions intéressantes. C'est la première fois que je vois un livre avec autant de définitions qu'on n'a jamais entendues. Un petit dictionnaire en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire, ajusteur de pensée, ajusteur psychologique, akasha, âme, amifié, amifié, amique, qui se rapporte à l'âme, qui a les caractéristiques d'un âme. Parce que c'est très... On s'en travaille, c'est intéressant. C'est de la naissance à la mort. Tome 1, donc il y aura d'autres tomes, j'imagine. La naissance de l'univers humain, psychologie transtemporelle. L'auteur Daniel Kim. C'est pour ça que tu savais que ça va être ça, tu l'avais lu avant. Oui, c'était une bonne façon d'apprendre en lisant. Le livre sera disponible la semaine prochaine, je pense. Pour le livre n'existait pas, je l'ai écrit, après ça je l'ai lu. C'est là que t'as vu. Dans la définition qu'on a ici de conscience, c'est de ça qu'on va parler ce soir, fait que je vais prendre la définition que tu as mis dans le livre. Conscience, nombre de stimuli qu'un être peut analyser, ainsi que la profondeur de cette analyse. Explique-moi ça un petit peu plus de mots. Immortaliser sa conscience, on immortalise quoi? On immortalise quoi? On immortalise ce qui est constitué. Ce qu'on se souvient, ce qu'on a vécu, ou ce que l'on sait. Rien de ça. On immortalise quoi? On immortalise ce qui est constitué. Qu'est-ce qui est constitué? Toi. Toi, c'est l'âme, l'ego, l'esprit. Non, l'esprit, on ne l'immortalise pas. L'esprit, il est immortel, sauf que l'esprit ne touche pas à l'homme. L'esprit n'est pas tout à fait exprimé dans le corps de l'homme, ce qui fait que chaque fois que l'être humain se réincarne, il doit prendre une grande partie de sa vie, sinon toute sa vie, pour essayer de retrouver le chemin qui l'amènerait à son esprit. La problématique, c'est que chaque fois qu'on a un chemin qui nous mène presque à notre esprit, eh bien, le corps physique décède. Il décide de mourir. Mais à l'école, on apprenait, dans les cours de religion, qu'on était immortel. Qu'on n'a pas à apprendre à devenir immortel. Tu as sans doute mal compris. Quand j'avais les oreilles bien nettoyées cette journée-là, ça m'est arrivé une fois, c'est en juin 58. 58? On apprenait qu'on était... Ouais, j'ai commencé l'école très jeune. On apprenait qu'on était immortel. Ouais. Oui, c'est que pendant longtemps, l'humain a enseigné à l'humain qu'il était immortel. Pourquoi? Parce que ceux qui, à un moment donné, travaillaient à travers les mystères de l'âme, ceux qui étaient prêtres... de quelque religion que ce soit, dans leur cheminement, ils découvraient certaines choses. Et dans les choses qu'ils découvraient, eh bien, il y avait le fait que l'être humain était immortel. Et parce que ça ne plaît pas à l'humain, et ça ne plaît pas au prêtre d'être immortel, eh bien, à un moment donné, on essaie de falsifier un peu ce que l'on découvre. Et falsifiant ce que l'on découvre, eh bien, on invente des théories qui nous permettent de mieux dormir la nuit. Parce qu'à un moment donné, la réincarnation avait été rejetée, eh bien, il fallait la compenser par quelque chose. Et si l'être humain n'est pas immortel dès le départ, étant donné que les prêtres s'étaient rendus compte que de toute façon, l'être humain ne pouvait parvenir à devenir parfait dans une vie, si la réincarnation n'existait pas et que la perfection dans une vie était impossible, il fallait qu'il y ait quelque chose quand même pour supporter ce que l'humain était. Donc, il fallait qu'on enseigne à l'homme et à la femme qu'il était immortel, du moins que son âme était immortelle, alors que... Donc, c'est plus ou moins faux, plus ou moins vrai. Ce qu'on a appris, c'est qu'au décès, il y avait le début d'une seconde vie, d'une autre vie. C'est faux. Bon, c'est faux. T'as appris ça. La vie, etc. Ben, c'est vrai que t'as appris ça. Mais c'est faux. Ben, c'est pas vrai qu'au moment du décès, il se passe quelque chose d'autre puis que c'est une nouvelle vie. Non. Absolument pas. Qu'est-ce qui se passe quand on décède? Quand le corps physique décède. Oui, c'est ça, parce qu'on décède pas. Quand le corps physique décède, eh bien, il y a une partie du cas de la constitution de l'âme qu'on appelle l'âme qui nécessairement se retrouve sans corps physique, se retrouve à l'extérieur, dans un endroit de transition. Et puis là, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Parce que normalement, dans l'instruction de l'homme dans une société comme celle de l'actuelle société, on n'instruit pas à mourir. On essaie de ne pas y penser, on met ça plus loin, on oublie. Et quand les individus meurent autour de nous, bien on pleure. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que tout est gâché à cause de l'irréversibilité des choses. Alors qu'en réalité, il n'y a rien qui est gâché, mais parce qu'on ne veut pas émotivement. On peut le vouloir intellectuellement, mais on ne veut pas émotivement fouiller dans l'au-delà de la vie, donc dans ce qu'on appelle le monde de la mort. Il y a cette peur, et il y a plusieurs conneries, finalement, qui vont être amenées dans le but de permettre à l'humain de mieux de bien dormir. Si on dit que lorsque le corps physique meurt, l'âme s'en va au ciel, rencontrer Jésus, Dieu, etc., alors pourquoi la gang de chrétiens broie-t-il autant lorsqu'une personne meurt, si en mourant, elle rejoint ce que tout le monde, en tant que bon chrétien, voudrait rejoindre? Il y a un problème là. En théorie, il faudrait applaudir. Faudrait être content, on devrait même s'euthanasier les uns les autres. Hein? C'est évident. Sauf si c'est dans la vie que se font les choses et que qu'une fois mort, sans le corps physique, eh bien les choses ne se font plus. C'est pas la peur de l'inconnu qui pose peur de l'inconnu. Avec toute l'instruction que l'humain a eue sur la mort, c'est pas la peur de l'inconnu. C'est plutôt l'intuition que c'est une menterie qu'il a eue comme instruction. Mais on se dit toujours que l'instruction qu'on peut avoir sur la mort, on ne peut l'avoir que par quelqu'un qui est vivant. Puis donc, cette personne-là qui est vivante n'a pas connu la mort, donc ne peut pas nous en parler. Ça fait qu'il y a 56 versions de ce qui peut se passer après. Si on est d'accord avec ce que tu dis, ça veut dire qu'on devrait déjà, tard et maintenant, rejeter tout ce qui existe parlant de la mort. Que l'humain ne fait pas. L'humain a quand même toujours son concept de la mort, son concept soit au niveau de la réincarnation, soit au niveau de l'immortalisation, soit au niveau de la résurrection. Il y en a même qui ont le concept qu'il ne se passe plus rien, d'autres seraient morts sur une planète d'Elohim, extraterrestre, où on reconstitue leur corps physique, espérant qu'en reconstituant le corps physique, on reconstitue en même temps leur âme en fait ce qu'ils sont eux. On choisit tout un concept. On choisit le concept qui nous fait plaisir au moment où on le choisit. Mais ça, c'est une chose. En tout cas, il y en a un, disons que le concept et l'ego... Ça donne dans un concept. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, qu'on vieillit, on va peut-être changer de version de ce qu'on pensait qu'était la mort. Le gros problème, c'est que chaque corps physique s'illusionne d'être la chose importante. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des corps physiques. Ils disent « Ah, crime, j'ai encore engraissé. » Imaginez-vous bien que vous n'avez pas engraissé. Le corps physique a engraissé. « Ah, je me suis fait mal. » Ah, ben là, encore là, c'est un problème. J'ai mal aux dents. Psychologiquement, c'est difficile de trouver des dents. Même si on hypnotise la personne, des dents psychologiques, on n'en a pas. Donc, beaucoup d'individus sont le corps physique. Étant donné qu'ils sont le corps physique selon leur vision, bien, lorsque le corps physique meurt, il meurt. Mais c'est totalement faux. Le corps physique lui-même est immortel. Les corps physiques sont aussi immortels que l'âme est immortelle. Si on veut se référer à ce que tu as appris de la bouche de ceux qui ne savaient pas trop, mais qui répétaient, parce que ça les consolait, eh bien, le corps physique est aussi mortel que ton âme. C'est la même chose. Les corps physiques, on les enterre au décès, on les brûle, on les détruit ou ils se détruisent d'eux-mêmes, donc ils ne sont pas immortels. Ils sont totalement immortels, exactement comme l'âme est immortelle. Comment ça? Parce que l'immortalisation de la conscience, c'est de parvenir à immortaliser ce qui est construit. Alors que l'âme n'est pas immortelle en ce sens que ce qui est construit disparaît. Mais ce qui la constituait demeure. Le corps physique n'est pas immortel en ce sens que ce qui est construit disparaît, mais ce qui le constitue demeure. C'est-à-dire que les atomes de carbone restent des atomes de carbone, que les atomes d'oxygène, d'hydrogène, etc. restent le même genre d'atomes, mais ce qui est constitué tend à se défaire. Parce que dans la vision de l'homme, la vie est uniquement axée sur la forme, c'est-à-dire sur ce qui est construit, eh bien nécessairement, lorsque ce qui est construit tend à s'en aller, on a l'impression qu'il n'y a plus de vie. Et c'est évident que la personne qui a un corps physique qui est maintenant digéré par la planète, par la Terre, qui donc est pourrie ou qui a été consumée par le feu, ne peut plus rire. Ben, c'est sûr, elle n'a pas la mécanique pour rire. Mais là, si on dit qu'elle est morte, on fait erreur et en même temps on a raison. Pourquoi? Parce que la conscience de la majorité des êtres humains est une conscience mémorielle. C'est-à-dire que si je prends n'importe qui ici dans la salle et que je l'hypnotise, une fois hypnotisé, je lui change un peu sa structure cérébrale, c'est-à-dire la structure psychologique plutôt, c'est-à-dire que je vais lui dire, eh bien voilà, tu es aux États-Unis, tu es venu au monde en telle année, en 58, justement, et tu as fait ceci, tu as fait cela. On appelle ça un lavage de cerveau. En réalité, on lave l'âme, on lave pas le cerveau. Et une fois qu'on a tout lavé cela, qu'on a effacé ce qu'il y avait dedans, puis qu'on rajoute d'autres ingrédients, quand on réveille l'individu, dans la technique employée par certaines polices secrètes, ça prend un peu plus de temps, c'est pas de l'hypnose, mais c'est du harcèlement psychologique, harcèlement astral, lorsqu'un individu revient suffisamment à lui, eh bien, il est américain, il n'a jamais été canadien. Si c'est un russe qui est maintenant américain, il peut détester l'URSS, alors qu'avant, il était russe, il détestait les États-Unis d'Amérique. Parce qu'on a effacé toutes ses mémoires? On efface. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que l'individu, même si le corps physique restait vivant, sa conscience a totalement été détruite. Donc, lui, c'est la mort. Il est mort. Il ne serait pas, il est mort. Et, par contre, un nouvel être est né à l'intérieur du même corps physique, un être qui maintenant est américain et qui avant était canadien. Ça veut dire que la vie, ce serait seulement la mémoire de ce qu'on a vécu? C'est la vie de la majorité des êtres humains. C'est pourquoi l'humain va dans sa tradition reliée aux théologies où on lui enseigne que l'âme est immortelle. Qu'est-ce que l'on fait? La religion, n'importe quelle religion, ne dit à peu près jamais de mensonges. Mais elles ne disent jamais toute la vérité. Elles ne la connaissent pas. Ce n'est pas un problème, disons, de mauvaise foi. Lorsque on, chrétiennement parlant, je fais référence à la chrétienté, disons, l'Église catholique, parce que c'est absolument la plus connue, mais on peut faire des parallèles facilement avec les Krishna, avec les Juifs ou d'autres personnalités religieuses. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'on va dire, oui, ben alors, il est peut-être mort, mais il ne mourra jamais dans ma mémoire. Cela veut dire que nous acceptons d'absorber une partie de la mémoire de l'âme du défunt pour qu'elle vienne nous habiter. Donc, nous réincarnons une partie de l'âme de l'autre chez nous. Et de cette façon, nous, progressivement, allons avoir des façons de penser similaires à l'autre. Et là, on va dire, tu vois, je le sens, il est même chez moi, il est proche de moi. Ou on va dire, même que de temps en temps, il me parle. Ça fait maintenant partie de ce qui te parle. Ou on va dire, de temps en temps, il me donne un conseil. Il m'aide. Oui, mais exactement comme toi, tu peux te dire, bon, est-ce que je me lève ce matin? Puis dans dedans, ça dit, oh non, tiens, reste donc couché. C'est une voix. Parce qu'on dit, c'est nous, on dit, c'est nous. Mais subitement, ça va être, ah, voyons donc, reste donc couché. Ah, ça le dit exactement comme la personne qui est décédée. Et là, on va dire, ah, c'est elle qui m'a parlé. Elle ne t'a pas parlé, tu l'as réincarnée. Elle est maintenant chez toi et elle devra apprendre à se fusionner. En ce sens, elle est immortelle, c'est-à-dire que si chaque fois qu'un individu décède, d'autres individus sont prêts à accepter ce qui s'en va au niveau de l'âme, tu restes immortel dans la forme, donc dans ce qui est constitué, le temps que tu t'incarnes dans un individu de son vivant, mais tu seras digéré par l'individu lui-même, ce qui fait que ton immortalité est une... Enfin, c'est une farce encore une fois. Mais pour celui qui est décédé, qui s'est ramassé dans celui qui y pense, comme tu disais, ou qui accepte le fait que... qui dit, bon, il m'a parlé, celui qui est mort, qui s'est réincarné dans ce personnage-là, lui, il vit quoi? Il vit comment? Bon, il vit quoi? Il vit comment? Il y a une partie qui est dans cette personne-là, une partie qui est dans une autre personne, une partie qui est dans une autre personne. Ça ne dérange rien, ça. Parce que c'est exactement comme si tu prends, par exemple, un pissenlit. Est-ce que c'est un pissenlit? Oui. Quand il est rendu tout blanc, tout vieux, les cheveux blancs, bon. Tu ramasses un cheveu, tu ramasses un grain. C'est une partie du pissenlit. Tu l'autres, t'en autres un autre, tu les plantes à deux endroits différents sur la planète, puis ils vont pousser. Il n'y a pas un qui va se dire, ouais, mais là, il manque la moitié de ces. Ce sont des. Tu prends un morceau de conscience, un morceau de conscience. Vu qu'ils ne sont plus dans le même humain, ils ne sont plus unis ensemble. Donc, en étant séparé, ça ne dérange absolument rien. L'individu que tu réincarnes a l'impression d'être global, total chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été global et total chez vous. C'est-à-dire que c'est cette partie-là de la mémoire qui, continuellement, était à essayer de parler à l'intérieur de l'humain. Comme l'ego, comme l'âme est pluriconstituée, c'est-à-dire comme l'âme est constituée de différentes parties, il y a toujours une partie chez nous qui nous dit « Ah, vas-y pas, tu seras pas capable », une partie qui dit « Ah merde, faudrait bien que j'essaye », une partie qui dit « Bon, j'ai peur », l'autre partie qui dit « J'ai pas peur, faudrait que j'y aille ». Ce sont tous des blocs de conscience différents qui leurrent souvent l'humain, qui trompent l'humain, parce que l'humain dans sa conscience mentale, regardez ceci, on doit comprendre une petite nuance. Parce que nous sommes constitués de plusieurs expériences de mémoire, c'est ce qui va faire que bien souvent, on se chicane nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes. Ça se parle, ça nous parle en dedans. Ce qui arrive lorsque l'humain vit, il y a une partie d'expérience, j'ai déjà expliqué comment ça se faisait, plus nous répétons souvent le même genre d'événement, plus cela engendre chez nous une agglomérat au niveau mémoriel. L'agglomérat au niveau mémoriel finit par devenir une partie de la conscience qui semble nous habiter. Alors, à un moment donné, je deviens indécis. Mais en même temps, je veux y aller. Ben voilà, il y a une partie de moi qui veut, et il y a une partie du même âme qui, elle, ne veut pas ou qui a peur, qui est indécis. Ces parties-là, ce sont des blocs séparés. Mais parce que chacun d'entre les hommes, l'âme, je dis souvent, c'est un œil qui voit, mais qui ne peut pas se voir. Elle a besoin d'un miroir. Mais le miroir, en ce qui concerne l'homme, est bien souvent son corps physique. Quand il est un peu plus réchauffé, certains diraient évolué, c'est son corps mental. C'est son mental, un observateur qui est indéniable. Mais, disons le corps physique pour l'instant, ce qui arrive, c'est que chaque partie qui constitue l'âme, autrement dit, présentement, vous êtes peut-être 15, 20, 30, 40 personnes qui habitaient le même corps physique, 40 agglomérats réels. Et chacun de ces agglomérats réels, lorsqu'il regarde le miroir, il dit « Ah tiens, je suis comme cela ». Sauf que lorsqu'il s'exprime dans le corps physique, non seulement il peut savoir qui il est, mais en plus, il laisse une trace qui va s'effacer très lentement dans le corps physique. Cela veut dire que vous, la partie qui a peur, s'exprimant dans le corps physique, va faire accélérer le cœur, va faire transpirer, va faire des choses. Et là, lorsque la partie qui a peur s'en va, elle s'est connue. Elle sait qu'elle est là. La partie qui n'a pas peur arrive. Et là, elle s'exprime aussi dans le corps physique, mais en même temps, elle mélange son expression à l'expression qui est déjà dans le corps physique, celle de la peur. Donc, la partie qui n'a pas peur, maintenant, quand elle se lit, elle dit, je n'ai pas peur, mais en même temps, je connais la peur. Et là, il y a une autre partie qui vient, une partie, disons, pacifique, qui vient s'exprimer puis qui dit, j'ai peut-être peur. Pourquoi elle dit ça? Elle n'a pas peur, c'est la partie pacifique. Mais elle vient encore se réfléchir dans le miroir, et là, superposée, il y a l'image de la peur, une partie qui est passée, l'image de la non-peur, une partie qui est passée, et maintenant, sa propre image, l'image du pacifisme. Et là, elle en déduit, je suis pacifique, j'ai peur, et je peux ne pas avoir peur. Et là, ça continue. Tout au long de votre vie, toutes les parties de l'ego, de la psychologie, vont s'être exprimées, ce qui fait que chaque partie devient totalement leurrée de ce qu'elle est. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'elle essaie de savoir, bon, qui suis-je? Eh bien, elle a fondamentalement l'idée qu'elle est ceci, mais en même temps, lorsqu'elle se regarde dans le miroir, eh bien, il y a le maquillage, la coloration de tous ceux qui sont regardés avant elle, constituant l'arme, mais ne constituant pas ce bloc. Et là, elle se dit encore une fois, comment puis-je vouloir y aller, en même temps être pogné à ne pas vouloir y aller? Et là, ça crée des perturbations, des stress psychologiques à travers chacun des petits blocs, qui fait en sorte, qui engendre ce que moi j'appelle l'anti-homme. Ça engendre une condition interne qui fait en sorte que chaque bloc ne peut pas se fusionner convenablement, que chaque partie de l'ego ne peut pas parvenir à s'entendre convenablement, simplement parce que chaque partie ne parvient pas à se reconnaître comme il est. Mais est-ce que toutes ces parties-là qui étaient, par exemple, on prend le celui qui ne connaît pas la peur, initialement, après qu'il va s'être vu et à travers le miroir teinté de qu'est la peur, est-ce qu'à chaque fois qu'il va se revoir, il va se voir comme ça? Non. Est-ce qu'il mémorise ça ou il pourrait revenir et ne pas avoir peur totalement? Puis non, la partie qui a peur, il faudra qu'elle soit dissoute. Parce que juste pour refaire le parallèle, c'est comme si on aurait un miroir ici dans la pièce, et puis chacun d'entre nous, on veut se connaître, voir quel visage on est. C'est nécessairement, on est tous différents. Alors moi, je me présente dans le miroir, puis le miroir, il garde mes sourcils, puis il garde une partie de mon front, puis une partie de ma face. Toi, tu passes après, puis là, on rajoute une moustache. Toi, tu te regardes, tu te dis, tiens, je pensais pas que j'avais les yeux bleus comme ça. Mais c'est mes yeux qui sont restés dans le miroir. Et là, tu t'en vas. Là, il y a une femme qui vient, elle dit, crime, j'ai une moustache, j'ai les yeux bleus, puis elle rajoute les cheveux plus longs. Là, une autre personne passe, crime, j'ai deux mentons. C'est la superposition de deux mentons plus petits, puis un menton plus bon, un visage plus long. Et là, le dernier qui vient passer, quand il se regarde, nécessairement, qui suis-je? Il y a un paquet, tout est tout croche. Mais là, le problème, c'est que moi, à un moment donné, parce que l'ego tourne, moi, à un moment donné, je repasse aussi devant le miroir. Ah, j'ai des cheveux. Mais oui, ça y est, j'ai des cheveux. J'ai une moustache, pourtant, je me laisse plus raser. Et là, pourquoi l'humain va dire, à un moment donné, bon, qui suis-je? Pourquoi la conscience apparente de l'homme, de la femme et de l'enfant, ne parvient jamais à s'identifier? Parce que la recherche spirituelle de l'humanité a été grandement axée sur l'idée de se connaître soi-même. Il y en a un qui a déjà dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Ah, c'est vrai. Impossible, mais vrai. Comment puis-je me connaître moi-même si déjà, s'exprimant dans le cadre de réflexion, il y a plusieurs consciences qui ne sont peut-être pas les miennes? Parce que je suis habité, l'humain est habité par plusieurs blocs de conscience. Qu'est-ce que c'est? Mais quand tu dis « les tiennes », « les miennes », ouais. Bon, les miennes, c'est qui? C'est celle à ça. Qui? C'est que dans l'homme, dans la femme, dans l'enfant, il y a ce que vous êtes, mais il y a aussi les mémoires de ce que vous êtes. Et le problème, c'est que vous n'êtes pas encore suffisamment réchauffé pour être capable, sans miroir, donc sans expérience, sans expérimenter ce que vous êtes, l'humain n'est pas encore assez réchauffé pour être capable de savoir ce qu'il est sans avoir besoin de connaître ce qu'il est. Donc, ce n'est pas « connais-toi toi-même » qui devrait être fait, ce serait « sais-toi ». évidemment, toi-même. C'est pas quelqu'un qui vient te le dire, ça va être coloré par lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'humain parvient à avoir une structure mentale suffisamment grande, ce n'est pas essentiel pour l'immortalisation de la conscience, mais cela fait partie de l'évolution vers l'immortalisation de la conscience. Donc, une personne qui se dirige vers l'immortalisation de sa conscience, nécessairement, à un moment donné, développera suffisamment son corps mental pour être capable de savoir ce qu'elle est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et je l'ai dit, je le répète encore, parce que c'est appris, mais c'est rarement compris. Parce que quand c'est compris, l'humain change. Quand c'est appris, l'humain en parle. Et puis l'humain ne s'en sert pas. Lorsque... Bon, il y a, à l'intérieur de chacun des corps physiques, de l'intelligence. Quand je parle d'intelligence, je parle d'une intelligence active. Je ne parle pas d'une intelligence passive. L'intelligence passive doit apprendre des choses pour devenir efficace. Elle est passive, c'est-à-dire qu'elle dépend de votre mémoire, et elle dépend aussi de la faculté que vous avez de vous rappeler. Et elle dépend donc de l'expérience de votre vie. Cela veut dire que s'il vous faut 75 ans d'expérience pour comprendre une chose, par exemple, pour comprendre que vous n'auriez pas dû faire ces 75 ans d'expérience, eh bien, l'intelligence passive devient un gros problème, parce que quand on se rend compte que c'est pas ça qu'il fallait faire, eh bien, on ne peut plus changer. Il y a un dicton qui dit que si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est ça. Lorsque l'intelligence active chez chacun des êtres humains s'observe, elle s'observe uniquement dans le mental, elle aussi, ou dans le corps physique, elle aussi. Lorsque l'intelligence active s'observe, elle sait ce qu'elle est, mais elle n'a pas suffisamment, dans la majorité des cas des humains, suffisamment d'énergie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisamment évoluée ou suffisamment réchauffée, elle n'a pas suffisamment d'emprise dans la matière, dans le corps physique, pour être capable d'implanter un savoir instantané de ce que chaque être humain est. Alors, elle essaie d'instruire la mémoire de ce que nous sommes pour que les parties mémorielles de l'âme puissent, à un moment donné, se reconnaître comme étant l'entité réelle. Bon, je vais expliquer. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle? On peut sûrement faire un parallèle. Dans le cas de l'exemple du miroir, quand les corps physiques se regardent, comme on disait tantôt, la moustache qui est imprégnée, tout ça, est-ce que si on savait ce qu'on est, au lieu de comprendre ou d'apprendre ce qu'on est-ce qu'on pourrait percevoir que, par exemple, j'ai une moustache sans avoir de miroir? Percevoir que... Se voir sans avoir besoin de miroir. C'est le savoir. Maintenant, ce qui arrive, c'est que pour devenir immortel du point de vue de la conscience, qu'est-ce que ça veut dire? On va juste, avant de poursuivre au niveau du canal, devenir immortel au niveau de la conscience, ça veut simplement dire que lorsque le corps physique meurt, vous ne mourrez pas. C'est simple. Cela veut dire aussi que vous ne vous réincarnerez pas nécessairement dans le corps physique des nôtres. Mais cela veut surtout dire que vous ne gagnerez pas le monde de la mort. Lorsque l'individu gagne le monde de la mort, il perd son enveloppe, l'enveloppe de l'âme, et perdant l'enveloppe de l'âme, gagnant le monde de la mort, il est dilapidé. C'est-à-dire que toute la mémoire, un instant, ce n'est pas vous, mais la mémoire de vous, ce qui permet à l'intelligence d'être terrestrifiée, densifiée, perceptible dans un corps physique actuellement, c'est la mémoire. Mais cette mémoire dans le monde de la mort éclate, c'est-à-dire que vu qu'elle n'a plus de corps physique, elle fait la même chose que le corps physique dans le plan planétaire, elle est digérée par le monde de la mort. C'est pourquoi les religions disent que tu rejoins ceux que tu as aimés pour l'éternité. Mais oui, tu te fusionnes à eux, mais tu n'es plus toi. N'étant plus toi, s'il y a réincarnation de ces mémoires, vous ne savez pas qui vous avez été. Dans l'exemple que tu donnais tantôt, est-ce que c'est le miroir qui éclate ou c'est les images qui étaient dans le miroir qui disparaissent? Non, ce que l'intelligence va faire, et pour arriver à l'immortalisation de la conscience, il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que il y a une petite porte qui permet à l'être humain de devenir immortel dans sa conscience. Cela veut dire que lorsque le corps physique meurt, il se ramasse dans le plan moronciel, qui est un plan de transition entre le monde de la matière et le monde de la mort. Dans ce plan de transition, et c'est là si on réanime une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire, eh bien c'est de là qu'elle revient. Ça gagne le monde de la mort, on ne peut pas réanimer son corps physique. Mais si le corps physique n'est pas en état d'attirer, donc de créer une attraction suffisamment forte pour que l'âme reste dans le plan moronciel, si le corps physique n'est pas en état, ben elle monte et elle gagne le monde de la mort et elle se perd. Quand tu dis attirer, c'est comme un aimant, c'est magnétique. Même chose, comme un aimant. Lorsque l'intelligence descend, regardez ce que ça donne. Vous avez un miroir, l'intelligence qui s'exprime chez vous présentement, et on doit quand même en prendre conscience, nous n'avons pas 100% de notre intelligence active. Et nous sommes tous souvent à réfléchir, à nous poser des questions, alors que l'intelligence active, c'est un savoir instantané. On sait exactement ce qu'on a à faire lorsque c'est nécessaire qu'on le sache. Bien que tous les gens aient vécu cela à un moment donné, dans leur vie, l'ont expérimenté un petit peu, ce n'est pas suffisamment développé dans la majorité des cas pour pouvoir tout transformer la mécanique de l'évolution que j'appelle l'évolution animale, une évolution par l'expérience. Tu apprends, puis une fois que tu as appris, ben là, tu sais ce qui est bon et mauvais. Quand tu t'es cassé la gueule suffisamment de fois, initiation méritoire, initiation animale. Ce que nous devons faire, ce que l'intelligence doit faire, c'est que lorsque vous vous regardez dans votre miroir, eh bien, il y a... Lorsque l'intelligence descend, elle descend dans un corps physique. Descendant dans un corps physique, d'une façon particulière, elle engendre une mémoire, l'expérience mémorielle d'une condition. Avant que vous connaissiez la peur, vous ne saviez pas ce qu'était la peur. Mais à un moment donné, il y a un événement qui est venu se mêler à la descente de l'intelligence. Ça crée une espèce de tourbillon à l'intérieur. Ça fait une réaction corporelle particulière. Et vous mémorisez ça. Et on vous expliquera que c'est cela la peur. Donc, l'intelligence sera exprimée en fonction de votre vie de différentes façons, engendrant des parties différentes de l'âme. Et maintenant, vous pouvez vous dire, l'intelligence, c'est finalement mon âme. En réalité, la mémoire globale de l'âme est une mémoire de l'expression de l'intelligence, mais mêlée, colorée, à travers des événements. Cela veut dire qu'à un moment donné, l'intelligence, il y a un petit 5%, disons, d'intelligence qui traîne chez nous. Et ce 5%-là, lorsqu'il se regarde, bien, il se regarde dans le même miroir. Alors, il se voit qu'une moustache, il se voit qu'il y a des cheveux longs, il se voit qu'il y a des cheveux courts en même temps, des cheveux blancs mélangés avec, bon, il voit pas quelque chose, et il ne sait pas qui il est. La problématique, c'est que ce petit morceau d'intelligence doit se voir pour pouvoir faire en sorte que toute la mémoire de l'intelligence soit dissoute pour créer une espèce de pont. Là, j'explique avec des images, c'est quand même pour qu'on comprenne. Pour créer un pont de façon à permettre à ce petit 5% d'intelligence de cheminer sur le pont pour que le 95% qui tend à communiquer avec l'homme chemine aussi, que les deux s'unissent ensemble dans un processus qu'on appelle la fusion. Mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive que l'intelligence à l'intérieur de nous doit faire quoi? Eh bien, elle doit, quand la partie d'intelligence se regarde dans le miroir, eh bien, on se dit, comment c'est ça que j'ai une moustache? Et là, il y a un rectificateur de pensée, qu'on appelle aussi souvent un ajusteur de pensée, qui est le gros de l'intelligence qui descend chez nous lorsque on est capable d'accepter de faire confiance à notre intuition. C'est important. Et l'intuition, ce n'est pas une voix dans la tête. L'intuition, c'est une sensation, une saveur particulière de certitude dans une direction. Ce n'est pas une voix dans la tête. La voix dans la tête peut être souvent une manipulation du reste du monde de la mort, donc du ciel. C'est une certitude. Ça ne se parle pas. Donc, à un moment donné, je regarde mon petit miroir, et là, j'ai l'impression que je n'ai pas de moustache, même si j'en vois une. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai sans doute une lèvre supérieure caché derrière la moustache. Qu'est-ce que fait l'ajusteur de pensée? L'ajusteur de pensée chez l'homme, chez la femme, il est l'intelligence qui vient effacer un peu dans le miroir toutes les traces laissées par les mémoires de l'intelligence qui, eux aussi, sont venus s'exprimer dans mon miroir. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, si je veux me connaître, chaque fois que je regarde, je vois toute l'expérience de mémoire qui sont exprimées par mon corps physique et je me demande, je me dis, bon, ça, c'est ma conscience. Je suis conscient que j'ai peur. Je suis conscient que je suis capable d'haïr. Mais c'est faux. L'intelligence active qui vous habite ne peut pas haïr. Elle n'a pas peur non plus. Mais parce que dans le corps physique, les traces qui ont été laissées sont des traces peut-être d'haine, d'amour, de peur, etc. Et que ça s'est exprimé dans le corps physique, lorsque l'intelligence de l'homme vient s'observer là-dedans, eh bien, il ne se comprend pas. Il dit, oui, mais je veux évoluer. Comment ça se fait que je ne suis pas plus évolué? Et c'est parce que ce que tu regardes, c'est un miroir sale. Ce n'est pas toi. Alors, l'ajusteur de pensée, le rectificateur de pensée, il va faire que, tiens, comment ça se fait que j'ai une moustache? Puis en même temps, tu as la certitude que tu n'en as pas. Et c'est là que, pour parvenir à l'immortalisation de la conscience, vous devez accepter, développer chez vous l'accréditation en face de votre intuition. L'intuition, ça ne provient pas de l'intellectualisme. L'intuition, ça vous permettra d'intellectualiser d'une façon nouvelle. L'intuition, ça vous permettra d'accepter les choses d'une autre façon. L'intuition, ça vous permettra aussi de vous libérer de certaines traditions. Alors, à un moment donné, je regarde, je vois la moustache et j'ai l'intuition que j'en ai pas. Et si je ne fais pas confiance à mon intuition ou si je ne suis pas au courant que c'est mon ajusteur de pensée qui est en train d'ajuster l'image, je vais me dire, comment ça se fait que je devrais pas avoir de moustache puis que j'en ai une? Ou comment ça se fait que j'ai l'impression que j'en ai pas, puis merde, je suis pas fou, j'en ai une? Comme l'individu va dire, comment ça se fait que je suis si nerveux alors que je ne devrais pas l'être? La nervosité, c'est l'expression d'une mémoire. Mais celui qui dit comment ça se fait que, il n'est pas nerveux. Mais parce qu'il s'exprime lui aussi dans le corps physique, en même temps que l'expression mémorielle de la nervosité, oui, mais je suis encore nerveux. Il observe qu'il est nerveux, mais c'est pas lui. Non. Ah, pourquoi si d'ailleurs, s'il dit « je suis encore », c'est qu'il ne veut pas. S'il ne veut pas, c'est que lui, personnellement, ça ne va pas avec lui. Mais pour éviter tout ça, ce mélange, parce que c'est toujours mélangé, si je comprends bien, on ne sait jamais à qui on a affaire. On n'a jamais affaire à la partie de l'ego, la partie de l'être. Et qu'on a affaire de la mémoire de ce que nous sommes. Si on se fermait les yeux et on arrêtait de regarder dans le miroir. Il y a problématique, c'est que tu dois t'arranger pour trouver une porte pour que tu puisses cheminer vers l'immortalisation de ta conscience. Et pour trouver une porte, tu dois te servir de tes yeux. Évidemment, quand on parle de yeux, on parle évidemment de perception intérieure. Tu dois te servir de tes yeux, et ces yeux-là ne sont pas capables de discerner encore l'image de la réalité, la photo de la réalité. Et comme on t'a déjà dit que peut-être l'immortalisation de la conscience, c'est quelque chose qui peut se faire comme ça. C'est quelque chose qui se faisait agréablement. C'est quelque chose qui ne faisait pas peur, c'est quelque chose qui ne faisait pas mal, c'est quelque chose qui libérait, qui amenait une liberté dans la conscience de l'humain. Pas nécessairement un libre-arbitre dans le contexte planétaire. Chaque fois que tu essaies de voir avec tes yeux, bien, comme il y a toutes les mémoires qui sont placées en avant, ce que vous avez appris à l'école, justement, la tradition, et aussi l'information génétique, réincarnationnelle, etc., on a tout cela devant nous, mais c'est comme si on essaie de regarder le paysage dehors avec une paire de verres épaisses comme ça, avec un paquet de filtres dedans. Et nécessairement, tout ce que l'on voit n'est jamais en fonction de l'intuition. Pourtant, il me semble, ça devrait être clair. Oui, mais je vois rien. Et c'est ce qui crée le trouble dans la psychologie de l'humain, c'est qu'il n'arrive jamais à se comprendre, parce qu'il a toujours l'impression que, alors qu'en réalité, c'est. L'immortalisation de la conscience, ça se fait à n'importe quel âge, parce que ça peut se faire rapidement. Mais quand tu décèdes ou quand tu immortalises ta conscience, est-ce que tous ces filtres-là, ces lentilles-là disparaissent? Les lentilles... Qu'est-ce qui est perpétuel, qu'est-ce qui continue d'être, puis qu'est-ce qui disparaît dans la mort? Bon, la problématique, c'est que la majorité des lentilles disparaissent lorsque le corps physique meurt. Mais étant donné qu'il reste l'expérience, exactement comme si le centre de la conscience lucide de chacun des individus était totalement entouré par l'expérience mémorielle de sa vie. Et la problématique, c'est que toute l'expérience mémorielle de sa vie, c'est l'âme. Le cœur de l'ego est l'intelligence active. Il y a l'ego qui est l'identification suprême dans l'orgueil de l'expérience. Il y a les mémoires volatiles qui sont l'expérience qui habite l'humain, mais que l'humain ne se rappelle pas nécessairement. Il faut l'hypnotiser pour aller fouiller là-dedans. Quand le corps physique décède, ça se ramasse de plan moronciel. Et il y a toujours une petite porte qui atteint le centre de cela, l'intelligence active, pour immortaliser l'expérience planétaire de son vécu. Mais étant donné que toute la brume des mémoires, de l'expérience, de l'intelligence, mélangée à l'expérience de la planète, l'entoure, l'âme, ça se dirige vers le monde de la mort. Pourquoi? Parce que ce n'est que de la mémoire, et le monde de la mort n'est que de la mémoire, et cette mécanique ici de l'âme est totalement attirée par ce qui est similaire à elle, et elle se dirige directement vers la mémoire. Lorsqu'elle touche cela, la partie même intelligente vient s'éclater sur l'enveloppe du monde de la mort. Bon, je pose des détails qu'on voit beaucoup plus au niveau du séminaire, qu'on a un tableau pour peut dessiner. Mais là, la partie de la conscience lucide crée un agglomérat spirituel qui reste pris là-dedans jusqu'à un temps plus éloigné qu'on parle, on parle de réincarnation. Là, c'est une forme de résurrection. À ce moment-là, il n'y a pas d'immortalisation dans ce que tu dis. Non. T'es complètement détruit. Pas au niveau de la conscience. C'est comme si toute ta vie, tu étais sur une cassette vidéo, puis la cassette, c'était... Oui, les particules constituant la cassette existent, mais plus la cassette. Fait que là, les images se mélangent avec d'autres images. Ben, on va reconstituer une cassette vidéo avec des particules de différentes cassettes qui ont éclaté, ce qui va créer un film totalement différent du film original ou des films originaux. Puis celui qui va réincarner ça, ce film-là, il va vivre une vie comme on vit là, à peu près tout croche, c'est mélangé avec différents personnages dans différents... Oui, avec un matin où il est en colère, un matin où il est heureux, un matin où ça va pas, un matin où ça va, un matin où ça lui tente de foncer, deux jours après ça lui tente de s'écraser. Il est totalement perturbé. Mais ça, ce n'est pas grave. L'idée, c'est que chaque être humain doit accepter, premièrement, de cohabiter dans le corps physique avec différentes mémoires, des entités, des entités du monde de la mort. Mais ce que l'homme doit faire, ce que la femme doit faire, c'est extrêmement simple. Premièrement, l'ajusteur de pensée est totalement opérationnel chez n'importe quel individu qui a une pensée. Du moment que l'individu a une pensée parlée, il a un ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, ça ne vaut pas la peine d'essayer de le contacter ou de le personnaliser d'une façon particulière. C'est une mécanique, c'est un mot qu'on doit employer. Mécanique, comme quand on emploie le mot psychologie ou subconscient ou infraconscient ou conscient, ça vaut pas la peine de faire un dessin pour comprendre nécessairement. C'est subjectif. L'ajusteur de pensée est extrêmement opérationnel chez n'importe quel individu. La seule problématique qu'il y a, c'est que vous ne vous écoutez pas. C'est simple. Pour devenir immortel dans sa conscience, on doit être capable de faire la part entre la conscience et l'expérience de la conscience. Cela veut dire qu'une conscience, l'humain ne peut pas dire « Bon, j'ai été à telle place il y a deux jours. » Parce que la conscience est instantanée, elle est de toute façon dans toute la structure du temps. Mais la mémoire, si on se fie à la mémoire nous dit que il y a deux jours, on était à telle place. Mais là, ce n'est pas nous. Et c'est encore c'est un piège. Alors, étant donné que la majorité de l'homme, dans sa conscience, n'ayant plus tout à fait le contact avec son esprit, l'intelligence active, a un contact beaucoup plus poussé avec l'expérience de sa vie, il reste finalement convaincu qu'il est ce qu'il a vécu. Oui, mais moi, je suis un raté. Pourquoi? Ben parce que tout mon passé est... Ça n'a rien à voir. Ça, c'est de la mémoire, de l'expression de l'intelligence dans un contexte particulier de la planète. Mais l'être humain qui se dit à être un raté, il rate son coup. Parce qu'on n'est pas un raté parce que la mémoire qui nous enveloppe est une mémoire qui n'entre pas en affinité avec le concept de réussir sa vie. Celui qui dit « Moi, j'ai réussi ma vie », sa conscience n'est pas nécessairement plus immortelle, il n'est pas plus réussi sa vie qu'autre chose. Mais le concept de réussir de réussite de la vie est en harmonie avec l'expérience de sa vie. Lorsque la personne dit « Moi, je suis une personne extrêmement peureuse », elle devrait dire « Moi, j'ai chez moi un ego où je suis habité par des mémoires de peur ». Bon, il y a, je cohabite dans un corps physique avec de l'expérience de la peur. Et si cette expérience ressurgit dans telle situation, je ne peux pas garantir que je vais contrôler mon corps physique. Ça paraît un peu simple, mais c'est exactement cela. À un moment donné, on a amené le positivisme à la planète. On a dit, cessez de dire, « Ah, il me reste que la moitié d'un verre. » Dites donc, « Ah, il me reste encore la moitié d'un verre. » Et que ça paraît niaiseux. Ça a changé une grande partie de l'image du monde. Sauf que ça reste dans l'illusion. Ça va changer un grand bout de temps, mais à un moment donné, il y a le risque de désillusion. Si, par contre, avec le même ajustement dans le langage, au lieu de continuellement être à se plaindre, on doit être capable de faire la différence entre les mémoires qui sont à l'intérieur de nous, de l'expérience de l'intelligence dans le contexte planétaire par un corps physique, et ce que nous sommes. Moi, j'ai une image bien claire là, de ce que tu dis, puis je voudrais que tu me confirmes si c'est bien ça. C'est ça. OK. Bon, alors on continue? Ouais. Lorsque... On a tout compris. Au cas où il y en a qui n'ont pas compris. Toute la vie, on se promène avec une caméra vidéo. Je filme, donc je tiens la caméra comme ça. Je me filme pendant toute ma vie. Oui, les égaux, tu as besoin de parler pareil, hein, parce que... Ben, il faut que je me confirme verbalement, que mentalement, j'ai bien compris. Tu confirmes, tu voulais le dire. C'est ça. Alors, vas-y, je me filme avec la cassette, avec la caméra. Je regarde ce que je fais, mais avant de poser un geste, quand je pense, je regarde toujours ce que j'ai fait avant dans la cassette pour m'assurer que je fouille de mémoire continuellement, alors que si je ne regardais pas ce que j'ai fait avant, ben j'agirais. Aujourd'hui, je suis quelque chose, quelqu'un que je suis pas, que j'étais pas hier, que j'étais pas hier, puis que j'étais pas il y a deux jours. Puis si j'ai eu peur hier, ça ne veut pas dire que j'ai peur aujourd'hui, mais comme je me fie toujours à ce qui est sur le tape pour juger qui je suis, à ce moment-là, je suis tout le temps mélangé. Oui, puis il y a une chose avec qu'on doit faire aussi. Que l'humain vit souvent dans le cheminement vers l'immortalisation de sa conscience, c'est que c'est exactement comme si lorsque la conscience devient immortelle, vous allez avoir accès à de l'énergie, donc de l'information, un savoir instantané comme jamais humain a pu en imaginer. C'est exactement comme une lumière extrêmement puissante qui aveuglerait les yeux de celui qui n'est pas prêt. La problématique, c'est que, et c'est ce qui arrive souvent dans la personne qui est juste entre les deux, c'est que de temps en temps, elle voit clairement, mais quand elle voit clairement, elle a peur parce qu'elle ne voit plus sa mémoire aussi convenablement. Et elle se dit, oui, mais là, je perds la mémoire ou je ne suis plus sûr de qui je suis en fonction de qui j'étais. Mais l'individu qui... Regardez ceci. Si vous êtes dans une pièce obscure, vos yeux vont s'habituer et vous allez voir dans l'obscurité. Après quelques jours, vous allez être confortable dans l'obscurité. Mais la journée que moi, je frappe à la porte et je vous dis, viens voir dehors ce qui se passe. Quand tu regardes dehors, tu vois rien. Et en plus, ça fait mal aux yeux. Alors, ça, c'est l'évolution vers la conscience, vers l'immortalisation de la conscience. Alors, l'individu dit, ça n'a pas d'allure, il ferme sa porte. Puis en plus, après avoir fermé sa porte, vu qu'il est ébloui, là, il voit mal dans sa pièce. Alors, il a drôlement peur de l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand il voit l'extérieur, il perd la vision de la mémoire, donc de la partie obscure, sombre. Là, il ne voit réellement plus rien, ni dehors, ni en dedans. Alors, ce qui arrive, c'est que, il va se réhabituer rapidement, mais ça ne fait pas mal. Vous savez que ça fait mal s'habituer au soleil, ça fait pas mal s'habituer à l'obscurité. Alors l'avantage qu'il y a, ça y prend peut-être encore quelques minutes ou quelques heures à s'habituer à l'obscurité, mais ça ne fait pas mal. Et là on frappe encore et on lui dit, l'évolution c'est l'extérieur. La personne qui évolue, elle ouvre un peu la porte, et elle a une ruse à un moment donné. Elle va dire, je vais ouvrir la porte vers le neuf, mais je vais regarder, non pas dehors pour voir le neuf, je vais regarder dans la maison pour mieux voir le vieux. Alors, elle ouvre lentement la porte, la lumière pénètre, mais pas dans ses yeux. La lumière éclaire sa pièce, et là, elle voit, un crime derrière mon bureau, quelque chose que je n'avais jamais vu. Et là, elle ferme la porte. Et là, elle se dit, j'ai eu un contact avec Dieu maintenant. Ça y est, je connais plus ma demeure. Et là, elle s'habitue lentement. Et là, maintenant, elle voit le bureau, mais là, elle perçoit, parce que l'imagination, c'est-à-dire la mémoire de ce qu'elle a vu, un peu plus ce qui était derrière le bureau. Et là, elle va voir, et elle découvre. Et elle le met sur le bureau et elle dit, ça y est, j'ai évolué. Non, il n'y a pas de neuf. Et elle va dire, ben oui, il y a du neuf. Ça, c'était pas là avant. Non, c'était là avant. Tu ne le voyais pas. La personne qui, à un moment donné, va dans une évolution où elle hésite vers l'immortalisation, là, elle est tout proche. Elle a la capacité d'ouvrir la porte et de la fermer. Ce qui est déjà génial. Et la majorité des êtres humains sont capables de le faire. Lorsque la personne ouvre, au lieu de risquer à regarder dehors pour voir peut-être des oiseaux, des arbres, le ciel, quelque chose d'autre, de l'envergure, eh bien, elle préfère regarder à l'intérieur, elle ouvre, et là, ça éclaire l'intérieur, puis là, elle découvre des facettes de son intérieur qu'elle n'avait pas vues. Lorsque la personne va dire, j'ai eu un contact avec Dieu, et maintenant, je sais qui je suis. Mais ça, tu as ouvert la porte et tu as vu ta maison. Mais tu n'as toujours pas vu dehors. Et ta maison, ce n'est pas la cabane, ta maison, c'est la planète, c'est l'univers. Le parallèle au niveau d'évolution, c'est exactement la même chose. À un moment donné, on ouvre la valve de l'ajusteur de pensée, mais au lieu de se risquer à parler dans le neuf, au lieu de se risquer à énoncer du neuf, eh bien, on ouvre un peu, et là, on regarde en dedans. Alors, je le savais que j'étais si chien, je le savais que j'étais si beau, je le savais que, voilà, c'est juste mettre de la lumière en dedans, pour éclairer ce que tu veux voir, et de temps en temps, tu découvres des choses que tu ne connaissais pas de ta constitution. La personne, elle peut évoluer rapidement, comme ça, elle va dire, « Maintenant, je connais encore plus profondément ce qu'est de l'âme, ce qu'est la conscience de l'âme. » Oui, mais elle ne sait toujours pas ce qu'elle fait sur la planète. Elle ne sait toujours pas ce que fait la planète. Elle ne sait toujours pas ce qu'est la création, pourquoi il y a une création. Elle ne sait toujours pas non plus où elle va aller lorsque la maison, le corps physique, va mourir et qu'elle va se ramasser dehors. Mais ça ne donne pas grand-chose de savoir pourquoi elle est là et à quoi sert la planète. Non. Et la mort, sans l'immortalisation de la conscience, c'est comme si on détruit ta maison, le corps physique, la nuit. Alors, comme tu sors la nuit, tu ne vois pas grand-chose non plus, puis tu t'en vas vers ce qui t'attire. Et ce qui t'attire sera quelque chose qui ressemblera à ta demeure, le monde de la mort dans lequel est mémorisée toute l'expérience des humains. Comment l'éviter, ça? Comment ne pas aller là où est-ce qu'il faut comment ne pas l'éviter? Aller là? Comment l'éviter? La lévitation, ça, c'est une autre technique. Gauche, puis tu lèves. Ah, ça, c'est autre chose. Comment éviter d'aller dans le monde de la mort? Ou est-ce qu'il faut éviter d'aller dans le monde de la mort? Ben, il faut éviter d'aller dans le monde de la mort. C'est évident que si l'être humain veut avoir une conscience immortelle, il ne doit plus mourir. Parce que celui qui meurt, comme tu dis tantôt, qui est dans sa maison, puis si sa maison est détruite dans l'obscurité, puis s'en va vers quelque chose qui ressemble, il voit pas pourquoi il ira ailleurs. Il est attiré par quelque chose de semblable. Oui, mais c'est pourquoi aussi l'expérience de l'homme va dire souvent que le ciel, c'est le bonheur parfait. Pourquoi? Parce que vu que vous n'avez pas de corps, vous ne pouvez pas expérimenter la souffrance. Alors vous en allez là où ça va. Les parties de chez vous qui ont mémorisé le plaisir se ramassent dans les parties de plaisir, c'est attiré par ce qui est similaire. Alors, le plaisir est tellement en plaisir, donc c'est le bonheur parfait, c'est la Jérusalem céleste, une paradisiation. La partie de colère va dans la place de colère, mais elle se plaît dans la colère, il n'y a aucun problème, c'est le bonheur parfait quand tu gagnes le monde de la mort. Mais, tu n'es plus. Le corps physique, s'il meurt, ça n'a aucune importance. Mais la conscience ne doit pas mourir. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi la conscience ne doit pas mourir? C'est parce que si elle meurt, elle meurt. Et la mort, ouais, fait mais que... ça, c'est grave pour qui? Vu qu'on est... Ce n'est pas grave pour personne, parce que c'est exactement comme si, présentement, on t'anesthésie puis on te tue. Parce que c'est pas grave, pour ça, tu n'auras jamais souffert. Mais ici, je te mets au courant de ce qui va t'arriver. Ça commence à être grave, là. Puis si je t'anesthésie pareil, je te tue, c'est pas grave. Sauf que la majorité des vivants vont dire, moi, j'aimerais ça avoir une façon de ne pas être anesthésié, de ne pas être tué. Parce qu'une fois que tu es anesthésié, tu ne souffres pas. C'est pas grave. Sauf que c'est stupide. Pourquoi? Parce que tu dois recommencer régulièrement le même genre de cycle. Tu reviens toujours sur le plan planétaire à te poser les mêmes crimes de questions. Tu fouilles toujours dans la mémoire du passé, les traditions, les livres sacrés. Pourquoi? Parce qu'on regarde toujours dans le passé pour essayer de comprendre. C'est quoi tout le passé nous amène uniquement vers ce que nous avons créé avec le passé. Mais on recommence sans se rappeler qu'on a déjà fait. Se fie au passé. Puis le passé est le chemin qui nous amène là où on ne doit pas aller. Si ça fait, je sais pas moi, 50 vies que je vis, je m'en rappelle pas des autres avant, donc c'est pas grave. Je recommence toujours la même affaire. Oui, tu mais je me souviens pas, donc c'est pas plus... Non, mais par contre, la société collective va te dire comment faire. L'instruction théologique ou morale va te dire quoi faire. Et vu qu'on ne t'instruit pas sur la mort et sur la conscience, tu vas faire les mêmes bévues. Ce qui fait que lorsque tu vas mourir comme tu es toujours mort. Ça serait quoi la différence si je restais vivant d'un décès à l'autre? Pour immortaliser sa confiance ou sa conscience, il faut commencer à la séparer du véhicule de mort dans la vie. La séparer du véhicule de mort, ça veut dire, comme tout à l'heure, j'expliquais que la conscience qui vous habite, et c'est très, très, très minime comparativement à ce qui peut vous arriver en tant que conscience. Moi, je sais plus de choses que beaucoup d'humains, mais je n'ai pas beaucoup plus de conscience. Et c'est un peu comme l'échelle Richter, hein? Quand tu as un de conscience, c'est bon. Quand tu as deux, c'est 10 fois plus. Quand tu as 3, c'est 10 fois plus, donc 100 fois plus qu'un. Puis quand tu as 4, c'est 10 fois plus, donc 1000 fois plus qu'un. Ah, mais dans la conscience, on a jusqu'à plusieurs degrés. Alors, il suffit que vous gagnez un degré de plus dans la conscience et vous avez 10 fois plus de conscience. Donc, vous avez 10 fois plus de savoir. Savoir instantané, un savoir neuf. Il y a présentement, on dit, 5% de l'intelligence active, donc de votre esprit qui habite votre corps physique. C'est ce qu'on appelle l'intuition. C'est ce qui vous oblige de temps en temps à venir à des conférences comme celle-ci. C'est ce qui vous oblige à vous poser des questions. C'est ce qui, dit par l'ego, vous hante. On serait bien mieux si on n'aurait pas de conscientisation. On serait bien mieux si on n'aurait pas évolué à un moment donné. Ça, c'est l'esprit ici, là. Puis pas question de bien mieux, c'est lui qui le bosse. Là, ce qui arrive, c'est qu'on doit être capable de prendre toute l'enveloppe de l'âme qui entoure, le siège social de l'intelligence dans l'homme, et on doit être capable d'extirper, de sortir l'intelligence de l'âme, c'est-à-dire de la mémoire. Si on est capable de faire ça, s'il y a une mortalité physique, l'âme va gagner le monde de la mort, ça, n'étant plus dedans, va se retrouver tout seul dans le plan moronciel. Tout seul, petit. Ah, ton égo a peur. Mais ça, il faut l'extraire du vivant. Absolument. Et quand c'est coupé dans le plan moronciel, ça va où? Chercher son double éthérique. Ah ouais. Mais c'est mon livre, hein? Je l'ai lu. Ah, c'est ça? Qui cherche quoi? Là? Est-ce que c'est la conscience qui va être attirée? Ben, c'est pas important, mais... Oui, mais je vais vous expliquer quelque chose. C'est intéressant chose pour la mécanique. Imaginez que je ne savais pas. Alors ce soir, moi aussi, je vais aux conférences pour apprendre. Qu'est-ce qui est le siège de l'âme? C'est l'ego. Le je, le moi, qui est constitué de plusieurs parties. Je suis colérique, je suis pacifique, je suis colérique et je suis en colère parce que je suis encore colérique. Bon. Mais qu'est-ce qui est le siège d'attraction au cœur de l'ego? C'est mon intelligence. Mon intelligence est en plein centre de ce que je suis et l'expérience dans la vie vient s'agglomérer dessus dans l'espoir de devenir de l'intelligence. Mais cela va créer une espèce d'orgueil. Les mémoires les plus contractées, les plus enveloppantes de l'intelligence ont l'impression d'être l'intelligence. C'est de l'orgueil. Et les mémoires plus éloignées, qui ont moins, un peu moins de contact avec l'intelligence, ce sont les mémoires volatiles. Ce que l'on doit faire, c'est que l'on doit, et on va voir comment, mais c'est quand même assez facile, parce que là, on fait des dessins, alors on se demande comment faire une chirurgie là-dedans pour... Bon, on se dessine. Quand on arrive à sortir l'intelligence de l'ego, il arrive une chose extraordinaire. Étant donné qu'il n'y a plus de foyer attractif au cœur de l'ego, tant qu'il n'y a plus rien qui maintienne l'ego ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il se défait. Il se défait. On appelle cela devenir humble. J'appelle cela l'anégoïsation. La fente progressive de l'ego. Si tu réussis à retirer la partie intelligente de l'ego, automatiquement l'ego ainsi que les mémoires volatiles vont commencer à se digérer, c'est-à-dire à se perdre en tant qu'entité, et c'est ce qui engendre ce que j'appelle la création d'un double éthérique. Le double éthérique, c'est le double conforme à ce que nous sommes en tant que conscience, intelligence, mais non pas dans le monde de la mort, mais dans un monde d'énergie vitale, qui est le plan morontiel. Bon, ce sont des termes un peu compliqués des fois, mais c'est... L'idée, c'est qu'on est capable de créer... Et ça, je le savais avant, mais le processus de l'ego que j'ignorais, mais que maintenant je sais. On est capable de créer un double, un véhicule, qui est capable, lui, de nous conserver en tant qu'entité. C'est-à-dire qu'on est capable de créer une maison. Une maison qui est bâtie de neuf, qui est bâtie d'intelligence active, donc d'intelligence libre, on appelle cela l'Esprit Saint aussi dans les religions, on est capable de bâtir un double qui, lui, n'est pas attiré par le monde de la mort. Lorsque ce double est créé, si le corps physique meurt, nous sommes libérés et nous n'allons pas vers le monde de la mort parce que nous ne sommes plus entourés de l'âme et nous allons simplement aller vers le double pour aller l'habiter. Qu'est-ce qui se passe après? On pourra en reparler à un moment donné. On en parle, je pense, à la prochaine conférence sur la réincarnation. Oui, c'est possible. J'imagine, c'est la suite. Effectivement, on pourra mais en parler. Avant que tu ailles plus loin, quand tu dis avec le centre, c'est l'intelligence, puis autour, c'est l'ego, c'est ces parties-là qui s'en vont former le double éthérique. Mais non! Non? C'est quoi? Ah oui, c'est ça. Okay. Mais non, est-ce qu'on en perd en chemin ou qu'est-ce qu'on conserve? Est-ce qu'on redevient le même ego qu'on était avant? Ou qu'est-ce que ça donne d'avoir formé un double éthérique? Qu'est-ce que ça donne de se dissocier d'une partie pour retourner la retrouver plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bon, ça donne plusieurs choses, mais ce que ça donne, c'est problématique d'en parler. Pourquoi? Parce que... Émotivement, premièrement, on a donc l'ego qui entoure l'intelligence, ce qui fait que l'intelligence, lorsqu'elle s'exprime dans votre corps physique, même dans votre conscience neuronique, le cerveau, elle est toujours plus ou moins colorée. C'est normal, elle doit traverser toute la brume de l'ego, des mémoires expérientielles, pour parvenir à vous dire « fais le pas ». Alors, ça commence par « fais le pas », puis finalement, ben, l'ego, lui, aimerait bien que ça se fasse, fait que l'ego, quand ça arrive dans votre conscience, ben, ça dit « fais le pas », puis en même temps, ben, vous vous rendez compte que vous le faites. Il arrive premièrement que l'être humain qui extirpe la partie de l'intelligence, donc c'est un égoïste, qui devient plus humble, et donc il fait cela. Il plus arrive simplement. Aussi. J'ai expliqué trois, quatre choses en même temps, mais j'ai rien qu'une bouche. Donc, alors, ce qui arrive, c'est que la personne qui extirpe cela, elle devient désassujettie de la majorité des manipulations planétaires, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus souffrir de perdre quelque chose, qu'elle ne peut plus souffrir d'aimer. Comme l'humain le fait souvent, qu'elle ne peut plus souffrir de malaise physique, qu'elle va prendre le contrôle total du véhicule corporel, donc elle va être capable de le rajeunir, de le guérir, de l'entretenir. Ça donne énormément de bons points du point de vue pratique de l'expérience planétaire. Puis ces mémoires qui normalement se seraient accumulées sur l'ego, vu qu'il n'y en a plus, là, si tu t'es complètement anégoïsé, qu'est-ce qui arrive à chaque fois que tu vis un événement, une expérience? Est-ce que tu reconstitues un ego au fur et à mesure ou s'il va tout de suite te rejoindre le double éthérique à chaque fois? Non, parce que l'individu aura travaillé l'expérience de milliers d'années d'évolution ainsi que l'expérience très rapide de la vie dans cette société crée suffisamment de néotypes, de nouvelles formes qui, eux, ont tendance à percer des trous dans les archétypes, les vieilles formes de l'ego, pour fragmenter l'ego, le faire éclater. Quand on fait éclater un ego, comme par exemple au niveau du séminaire, bien souvent on va créer des chocs au niveau de l'âme, ça fragmente des parties de l'ego. Fragmenter l'ego veut dire permettre à la partie interne d'intelligence de se libérer. Mais la vie en crée. Sauf que bien souvent, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on a une fragmentation, elle n'est pas suffisante pour libérer l'intelligence. Et là, ce qui va arriver, c'est que l'ego va s'arranger pour reconstituer, mettre du plâtre et reboucher le trou. Donc, on a à un moment donné une évolution, un choc dans la vie qui nous fait voir différemment la vie. Et là, on va dire, crime, je pense que je vais cesser d'être ceci, cela ou cela. Mais après un an, on est redevenu ceci, cela ou cela. Quand on a eu l'ouverture un peu dans l'ego, notre intelligence s'exprime. S'exprimant, nous changeons dans l'expression biologique. Mais parce que lentement, ça va se recimenter, nous allons progressivement revenir. Qu'est-ce que l'humain doit faire? L'humain doit être capable de passer par une phase de vie où il va voir sa vie différemment, mais il devra rester très éveillé, très attentif pour que jamais ça vienne se combler. Et à un moment donné, un autre choc va encore faire partir une autre partie de l'ego, et là, l'individu va rester totalement éveillé. Bon, je t'ai déjà conté une histoire, c'est un bonhomme qui, à un moment donné, avait eu une initiation quelque part, et après avoir réussi à rejeter son double antium, donc la partie de l'ego qui empêche tout à l'extérieur de lui, il devait rester éveillé suffisamment longtemps pour être aux aguets quand ça va vouloir revenir le prendre. Ils étaient quatre. Et les quatre ont dormi au moins 5 minutes dans les 28 heures qu'ils devaient rester réveillés. Et finalement, c'est à recommencer. Pour extirper progressivement, sans nécessairement avoir à vivre une évolution, une initiation par choc. Bon, le séminaire que je donne est une vibration. Bon, ça a créé certains petits chocs intéressants. Parce qu'il y a de l'information qu'on n'a pas en conférence régulière, on est capable de créer des structures qui font que normalement, ces ouvertures restent ouvertes. Mais l'individu, ça va. L'initiation massive, là, Pâques qui vient briser l'ego, l'initiation solaire, ce n'est pas pour tout le monde. Et plus il y aura d'individus qui vont l'avoir vécu, moins ce sera nécessaire que les autres la vivent. Il y a une façon d'extirper l'intelligence sans avoir nécessairement passé par un paquet de souffrances. La façon est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et bien souvent, ce que je dis, parce que venant de moi, ça semble facile à dire, de temps en temps, ça n'a pas, chez les égos qui écoutent, l'importance que ça doit avoir. Exactement comme si quelqu'un vient me voir, qui sort du désert, et puis il est tout assoiffé, puis il me dit, « J'ai soif! » Puis moi, je lui dis, « Tu as soif? Oh ben, regarde ici, là, il y a un verre d'eau, tu peux juste en prendre. » Si l'individu ne sait pas ce qu'est l'eau, il n'a jamais connu la soif, puis il va dire, « Christy, il ne me prend pas au sérieux, là, j'ai soif! » Il faudrait que je dise, « T'as soif! Oh, qu'est-ce que je pourrais bien faire? » Là, vous m'a couru 3-4 fois d'entente, puis là, il va avec mon verre d'eau, tiens, prends ça, je pense que ça va t'aider. Ah, là, c'est correct. Il faudrait que je sois aussi souffrant que lui pour qu'il puisse me faire confiance. Alors que, bon, il y a un verre d'eau, je vais juste boire. Il ne pourra pas faire confiance. De quelle façon on extirpe? C'est simple. On doit faire ce que tout à l'heure j'ai dit. On doit être capable de faire la différence totale entre ce que vous êtes et l'expérience de ce que vous êtes par le biais du corps physique dans ce que vous avez mémorisé de votre vie. Autrement dit, vous devez faire la nuance entre ce que vous êtes et la mémoire de ce que vous êtes. Il ne faudrait pas avoir de mémoire. Ou l'avoir, mais être conscient que c'est de la mémoire. La mémoire, elle permet de digérer l'intelligence tant que la structure du corps n'est pas suffisamment solide pour être capable de recevoir de l'intelligence plus pure. Donc, on a besoin de l'ego. Mais l'ego devient un problème. Bon, c'est un digesteur qui, finalement, se prend au sérieux, se prend pour ce qu'il exprime. C'est la radio qui finit par se prendre pour la station radiophonique. Bon, elle est intéressante d'un bout de temps, puis à un moment donné, quand on invente autre chose, là, c'est plus par les ondes, c'est par d'autres phénomènes, et bien on n'a plus besoin de la radio, mais la radio reste là, continue à jouer. Et on écoute plus la radio que la réalité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, c'est simple, c'est que, je le dis, mais là, je ne veux pas le répéter, je le dis encore pour la première fois, et vous devez simplement travailler pour l'appliquer parce que ça fonctionne. Vous n'avez jamais peur. Vous n'avez jamais honte. Vous ne vous sentez jamais coupable. Je ne dis pas que vous devez vous dire ça. Je vous dis ce qui se passe en réalité chez vous. Vous n'haïssez jamais. Vous n'êtes jamais jaloux. Ça, ce sont des mémoires qui s'expriment dans votre corps physique et qui viennent colorer la vision que vous avez de vous. Et par la suite, vous dites, j'ai peur, je suis jaloux. Et quand la personne se conscientise un peu, elle se dit, merde, pourquoi je suis encore jaloux? Elle devrait dire, merde, pourquoi le miroir est encore sale? C'est tout ce que je peux lui dire. Ben, fous-toi-en du miroir. Mais comment... C'est pas pour passer le reste de ta vie à laver un miroir qui, de toute façon, va toujours être réimprimé par l'expérience. Mais en pratique, comment fais-tu pour, au moment où tu sens que c'est le côté, disons, jaloux qui commence à vouloir sortir, et puis que qu'on est conscient de ce que tu viens de dire, que bon, c'est pas moi qui est jaloux, c'est l'autre en arrière qui se réveille et qui veut être jaloux. Comment tu fais pour l'arrêter, pour arrêter ça? On doit cesser de vouloir améliorer l'extérieur. On doit améliorer l'intérieur en laissant tomber l'extérieur, parce que si on améliore l'intérieur, très rapidement l'extérieur sera amélioré. Ça veut dire quoi? Je me sens jaloux, mais qu'elle s'exprime la jalousie. Moi, j'ai autre chose à faire que de la contrôler. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de bien voir clairement chez moi que moi, je ne suis pas jaloux. Je trouve cela stupide, la jalousie. Et si la personne a dit, ouais, mais pourquoi tu es jaloux? Je ne suis pas jaloux. Quelque chose chez moi est jaloux, et c'est ce qui s'exprime. Mais il y a une nuance, ce n'est pas moi. Bon, tu as peur. Je n'ai pas peur. Oui, mais là tu es en train de courir en te sauvant. Non, ce qui a peur chez moi, qui contrôle le corps, se pousse avec le corps, puis moi, ben, je suis dedans. Mais moi, je n'ai pas peur. Et que ça paraît facile. C'est exactement cela. Vous savez, vous allez avoir un autre point de vue de ce que vous êtes qui va vous améliorer très rapidement. Et là, on l'extirpe, ce qui fait qu'en pas grand temps, la peur disparaît, la jalousie disparaît, etc. Il va rester vous autres, comme vous rêvez d'être, mais avec le rêve en moins. On fait une petite pause. OK. À tantôt.